faut pendre le banquier. Avec toi le peuple des tours, toi peuple des forêts, avec le peuple enfant des plaines ou celui des quartiers, avec tous les peuples printemps, les peuples des colliers, avec le peuple camarade qu'on vient le 1er mai. S'il faut monter la résistance contre les enculés, amis, s'il faut sauver la France, s'il faut la libérer. Des sourires des politicards, des sourires de banquiers. S'il faut garder le cœur anard, garder le poing serré. Un jour j'irai brûler la bourse, ouais, lâche-moi ton briquet. Avec les potes manifestants, s'il faut la lutte armée. Amis, s'il faut refaire la terre, s'il faut l'imaginer. Un peu commune, égalitaire, oui, fleur d'humanité. Faire des jardins de nos cœurs, des amours en bouquet. Dans les yeux du peuple, labeur, un rêve, une liberté. Dans les yeux du peuple, labeur, un rêve, une liberté. Donc ici, ben, peut-être commencer par... À voir de quoi est-ce qu'on parle, hein, parce que le 1er mai, ce n'est qu'une date. Alors, une date qui, pour certains, bah, signifie la fête du travail, pour d'autres, le jour où on offre du muguet à sa mamie, et enfin, pour d'autres, la fête des travailleurs ou la journée internationale de lutte des travailleurs. Et donc, voilà, la première chose, c'est évidemment de distinguer. Et on verra pourquoi, comment les choses ont pu s'entremêler, fête du travail et fête des travailleurs. Donc c'est bien de la journée internationale des travailleurs dont je vais vous parler ici, celle qui au départ se veut une journée de lutte et de grève pour revendiquer quoi ? Ben, au départ, la journée des 8 heures. Donc son origine est ouvrière et l'origine de cette fête remonte bien aux années 1880. Mais effectivement, il existe aussi des fêtes du travail. Fêtes du travail qui précèdent en fait cette journée internationale des travailleurs. Et l'objectif est tout différent puisqu'il s'agit, dans ces fêtes du travail, de célébrer le travail. Elles sont en réalité instaurées à partir de la fin du XVIIIe siècle et notamment en France, au moment de la Révolution française, on instaure donc dans le calendrier républicain en 1893 donc une fête du travail qui a lieu donc en septembre. Après, elle est déplacée en janvier par Saint-Just. Et donc, d'autres vont célébrer le travail, notamment ben, patron social, peut-être que certains en ont déjà entendu parler. Il s'agit de Jean-Baptiste André Godin, donc des usines Godin, qui va créer donc une entreprise dans laquelle les travailleurs s'épanouiraient. Et donc, lui aussi, il crée une fête du travail qui a lieu le 5 juin. Aux États-Unis, il y a une fête du travail, le Labor Day, qui a lieu, qui est instaurée par la Fédération américaine du travail, donc l'ancêtre, hein, puisqu'à l'époque, il ne portait pas ce nom-là. Voilà, et donc qui est une fête du travail. Et la première édition a lieu le 5 septembre 1882, donc cette fête a lieu encore aujourd'hui en septembre. La première édition de 1882 voit défiler 10 000 ouvriers à New York, mais petit à petit, en fait, cette fête va perdre de son caractère politique, et aujourd'hui, donc, cette fête du travail existe encore aux États-Unis, ainsi qu'au Canada, où c'est un jour férié du mois de septembre. Alors, parfois, fête du travail et fête des travailleurs vont se confondre, comme on va le voir. Et donc, dans de nombreux pays, aujourd'hui, la fête du travail a désormais lieu le même jour que la Journée internationale des travailleurs, donc à savoir ce 1er mai, qui, dans bien des cas, est devenu un jour férié totalement légal et associé parfois à d'autres traditions populaires, comme le muguet, on reviendra là-dessus plus tard. Et donc cette combinaison donc à la fois de fête du travail et de journée internationale des travailleurs à la même date a pour le résultat d'entraîner une certaine confusion et bien souvent dans l'esprit des populations d'occulter finalement le caractère révolutionnaire qui était à l'origine donc de cette journée internationale des travailleurs qui était vue donc comme une journée de lutte. Hein, donc on verra aussi qu'il y a eu des réappropriations et des réinterprétations multiples de cette fête des travailleurs. Alors avant toute chose, enfin maintenant qu'on a évoqué cette question de la fête du travail, de la journée internationale des travailleurs, le 1er mai, tout d'abord, pourquoi le 1er mai? Alors il faut pour ça remonter aux origines donc, de cette journée qui en fait voit le jour aux États-Unis. Et en fait, aux États-Unis, le 1er mai est un jour assez particulier, puisque c'est en fait le premier jour de l'année comptable où les entreprises font leurs comptes et renouvellent les contrats ouvriers. Et en fait, le 1er mai, voilà, les ouvriers sont parfois embauchés par d'autres et sont contraints de déménager. Donc ici, vous avez une illustration, donc c'est une tradition ancestrale. Hein, ici, on est en 1827, de ces déménagements dans les quartiers de New York. Et ça existe toujours aujourd'hui, ce fameux Moving Day du 1er mai. Les origines se situent aux États-Unis et au XIXe siècle, les États-Unis, comme d'autres pays, s'industrialisent et la question sociale commence à se développer. Donc des revendications se font jour et notamment la revendication de la réduction du temps de travail, de la limitation journalière du travail à travers donc cette revendication de 8 heures de travail, 8 heures de loisirs et 8 heures de repos. L'origine de cette revendication date de 1817, donc lancée par Robert Owen. Et c'est vrai qu'à l'époque, la durée de la journée de travail d'un ouvrier, elle est de 10 heures, voire plus, dans la plupart des pays industrialisés, et elle peut aller jusqu'à 12 à 14 heures. Hein, ici, j'ai encore un extrait d'un journal syndical de 1905 en Belgique. La Belgique n'échappe pas, évidemment, à cette règle où l'industrialisation a été très brutale et très rapide. Il faut vous rappeler que la Belgique est la deuxième puissance industrielle au XIXe siècle, derrière l'Angleterre. Et en 1905 encore, un dixième seulement des ouvriers travaillaient moins de 10 heures. Hein, donc c'est évidemment très faible, donc ça veut dire que 9 ouvriers sur 10 travaillaient plus de 10 heures par jour. Hein, donc c'est effectivement un enjeu important. Les premières réglementations vont concerner essentiellement le travail des enfants, puis le travail des femmes. En Angleterre, le travail des femmes et des enfants est réduit à 10 heures maximum en 1847. En France, la loi des 10 heures est instaurée au moment de la Révolution française, de 1848, donc des mouvements révolutionnaires de 1848, qui voient l'adoption d'un certain nombre de réformes. Donc, journée des 10 heures, mais elle sera abrogée quelques mois plus tard et les journées de 12 heures seront de nouveau imposées aux travailleurs en France. Seule l'Australie commence à bénéficier dès 1856. Donc c'est pour ça qu'il y a cette bannière de Melbourne de 1856. Seule l'Australie, en fait, bénéficie d'une réduction de la journée de travail à 8 heures. Alors, cette revendication de la journée de 8 heures va être une des premières revendications aussi historiques de la première internationale des travailleurs, donc la première AIT, qui est créée en 1864 à Londres et qui inscrit cette revendication à son programme. Alors, qu'en est-il du 1er mai dans tout ça? Eh bien, c'est en 1867 que des ouvriers de Chicago ont pour la première fois manifesté en faveur de la journée des 8 heures un 1er mai. Donc ça, c'est la première fois historiquement qu'apparaît cette date du 1er mai, donc en 1867, 1er mai, à cause, comme on l'a dit, du Moving Day. Alors, en 1866, suite à ces grèves, à ces manifestations, le gouvernement américain va accorder, en 1868, la journée de 8 heures à certains travailleurs, en fait, les travailleurs employés par l'administration fédérale. Donc cette réforme va évidemment susciter des revendications de la part des autres travailleurs, et la tension sociale va progressivement monter aux États-Unis dans les années 1870 et 1880. Alors on arrive en 1884 où se tient donc le 4e congrès de la Federation of Organized Trades and Labor Unions, donc qui est l'ancêtre en fait de l'AFL, donc l'American Federation of Labor. Et donc ce congrès va décider de lancer un ultimatum aux classes dirigeantes. Et donc ils vont dire aux classes dirigeantes, vous avez jusqu'au 1er mai, et donc ils choisissent cette date du 1er mai, qui est le jour du Moving Day, pour introduire la journée de 8 heures dans tous les nouveaux contrats, dans les contrats de travail qui seront renouvelés. Sans quoi, la grève générale sera déclenchée. Alors bon, c'est l'American Federation of Labor qui lance cette menace, mais en réalité, bon, l'American Federation of Labor est un syndicat quand même relativement modéré. Il n'a pas vraiment les moyens de mettre en pratique cette grève, donc c'est plutôt lancé comme une menace, comme quelque chose de dissuasif pour les patrons. Cela dit, en fait, les anarchistes vont jouer un rôle important dans ce qui va se passer par après, parce que eux, ils vont prendre au mot cette consigne et ils vont être particulièrement actifs pour organiser cette grève. Alors, la grève va être particulièrement suivie dans les centres industriels de l'époque, donc aux États-Unis, que sont Chicago, New York, Pittsburgh, Boston, Baltimore, etc. Et on va compter plus de 340 000 grévistes dans tout le pays, dans 12 000 usines et établissements. Alors, les événements décisifs vont par la suite se dérouler à Chicago. Alors, il faut savoir que Chicago, c'est une ville industrielle qui est assez particulière. Donc, elle est vraiment connue pour attirer tous les déshérités, les malheureux, les personnes en quête de travail. À l'époque, sa population double de tous les 10 ans. Donc, en 1880, elle compte 500 000 habitants. Elle passe à plus d'un million en 1890. Et parmi ces habitants, une grande partie provient de l'étranger. Donc, plus d'un habitant sur cinq est étranger. Et parmi eux, il y a beaucoup d'Allemands. Hein, donc il y a en Allemagne un mouvement socialiste qui se développe à cette époque-là, qui est très avancé, qui va être marqué par des ruptures, et notamment des ruptures anarchistes à travers notamment un personnage, Rudolf Rocker, dont je parlerai plus tard. Hein. Et donc parmi ces immigrés allemands, se retrouvent un certain nombre d'anarchistes qui vont véritablement poussé à la grève. Il faut savoir aussi qu'à Chicago, il y a eu un violent incendie en 1871 qui a fait 100 000 victimes, donc c'est énorme parmi les classes les plus pauvres, évidemment, et la ville n'a pas été véritablement construite. Donc il faut savoir que c'est une ville qui est faite en grande partie de taudis, et donc les effectifs des organisations ouvrières se décuplent en quelques années. Alors, parmi donc ces anarchistes qui appellent à la grève, figure un dénommé Spies, donc qui est d'origine allemande et qui va émigrer en 1872 aux États-Unis suite au décès de son père. C'était quelqu'un de très instruit et il va donc suivre, donc il adhère au socialisme et puis il suit la scission socialiste révolutionnaire ou anarchiste, et notamment celle orientée par un autre militant d'importance, Johann Most. Et donc il va se revendiquer de Bakounine, du collectivisme, etc. Et donc c'est lui qui va être un des principaux organisateurs de la marche de 80 000 ouvriers le long de la Michigan Avenue de Chicago. Et la presse se montre particulièrement hostile face à cette grève, donc qui est déclenchée le 1er mai, à Chicago en particulier. Le Chicago Mail réclame les têtes d'August Spies, dont je viens de parler, et d'un autre militant anarchiste, Albert Parsons. Donc elle est décrite comme, la presse les décrivent comme deux dangereux chenapans se promènent en liberté dans notre ville, deux lâches qui ne songent qu'à semer le désordre sans prendre de risques personnels. Il faut prendre ces deux hommes et en faire un exemple. Donc là, la couleur est annoncée. Alors, deux jours plus tard, le 3 mai, il y a un rassemblement qui a lieu devant les usines McCormick, de l'entreprise McCormick, connue pour avoir un patron particulièrement réactionnaire, etc. Et la police va intervenir très durement, tirer sur la foule et tuer 4, 3 ou 6 personnes, c'est pas très clair, ça varie selon les sources, et en blesser des dizaines d'autres. Alors, en protestation, donc ici on voit quelques illustrations, ici la police qui tire réellement à bout portant sur les manifestants, et donc en protestation face à ces violences policières, Auguste Spies va organiser un rassemblement qui veut pacifique, dans Eight Market Square, donc le 4 mai, le lendemain donc de cette fusillade. Alors, ils vont lancer des appels, publier deux tracts, publier un tract. En fait, ici, il y a deux versions du tract. Il y en a une où, en fait, la première, donc celle de gauche, le tract appelle les travailleurs à s'armer. Et en fait, dans l'autre, dans la deuxième version, cette phrase sera supprimée. Néanmoins, le tract est quand même largement diffusé. Au moment de son procès, un de ceux qui participaient donc à la diffusion de, enfin, à cet appel, dira que dans le tract invitant le public, on pouvait lire « Travailleurs, venez armés ». Et il dit « Nous avions raison de dire cela aux ouvriers, car nous ne voulions pas qu'ils soient fusillés au cours du meeting, comme cela s'est produit dans d'autres occasions. » Et donc l'appel à s'armer était plutôt dans le but d'une autodéfense. Le meeting n'avait pas à l'origine pour application, l'application de la violence, etc., etc., mais plutôt de protester contre cette violence policière. Et donc le meeting, en fait, se déroule relativement bien, pacifiquement. Et en soirée, lorsque la foule commençait à quitter les lieux et qu'il restait à peu près 200 manifestants, peut-être moins, la police chargea sur les manifestants. Et à ce moment-là, une bombe artisanale est lancée sur les policiers, dans les rangs de la police, et explose et fait un mort dans les rangs de la police. À ce moment-là, les policiers répliquent, ils tirent sur la foule et ils font et il y a plusieurs morts et de nombreux blessés. Alors dans les échauffourées qui s'ensuivent, on comptera 7 policiers et 4 travailleurs décédés, mais en réalité jamais le bilan exact des victimes n'a été communiqué. Et de manière générale, hein, dans l'histoire du mouvement ouvrier, la répression policière par rapport aux manifestants, elle est extrêmement difficile à établir pour ces périodes assez reculées. Mais donc il y a quand même il y a un policier qui est mort, ça c'est sûr, et 7 autres qui sont tués dans la bagarre qui s'ensuit. Hein? Donc l'origine de ce dérapage, c'est cette bombe qui a explosé. Alors suite à ces bagarres, au moment de cette bagarre, beaucoup de manifestants vont être arrêtés et la police va très clairement s'en prendre aux militants les plus en vue. Et parmi les personnes arrêtées, on va retrouver 8 anarchistes syndicalistes qu'on accusera d'avoir lancé la bombe. Les accusations sont complètement fantaisistes parce que parmi les accusés, il y a un des anarchistes qui se trouvait à ce moment-là sur la tribune et donc n'aurait pas pu être celui qui a lancé la bombe. Hein. Et donc, en fait, ces anarchistes sont arrêtés et donc il y a un procès. Ce procès a été très contesté par après, évidemment, pas au moment même, notamment le fait que parmi les 12 jurés, aucun n'était ouvrier et quatre déclaraient haïr les radicaux, etc., et déclarèrent par après qu'ils étaient déjà convaincus, avant même le procès, de la culpabilité des accusés. Donc, absence complète de preuves, mais ils sont, donc cinq d'entre eux vont être condamnés à mort, trois d'entre eux à la prison à perpétuité parce qu'ils ont, déclaré qu'ils regrettaient leurs actes, pas les cinq autres. Alors, finalement, donc, oh là là, j'ai complètement oublié de... Ça, c'est quand on veut aller trop vite. Voilà, donc ça, c'est... Je m'arrête deux secondes. Donc, une gravure donc, de la bombe qui explose avec le dirigeant... Enfin, militant anarchiste, pas dirigeant, mais militant, qui est sur son chariot. La bombe, les coups de feu, etc. Et voilà ici nos huit anarchistes inculpés. Et le 11 novembre 1887, donc quatre de ces anarchistes, enfin quatre de ceux qui ont été condamnés à mort, sont pendus dans la cour d'une prison à Chicago. Donc il y en a un qui ne sera pas pendu parce qu'il se serait suicidé dans sa cellule auparavant. Bon, là non plus, c'est pas très clair ce qu'il s'est exactement passé. Alors, donc il y a, par rapport à ça, une vaste campagne qui est menée aux États-Unis, en Europe, suite au procès, pour la défense des quatre condamnés, réclamant leur amnistie, etc. Mais malgré ça, donc, ils ont été exécutés. Et avant de mourir, un des condamnés, donc Auguste Piis, dont je vous ai déjà parlé, aurait déclaré « Le jour viendra où notre silence sera plus puissant que les voix que vous étranglez aujourd'hui. » Alors, après ces événements, il va se tenir, donc trois ans plus tard, un congrès socialiste international, donc celui qui va remettre sur pied l'Association internationale des travailleurs, mais donc connue sous le nom de Deuxième Internationale. Donc ce congrès socialiste se réunit à Paris à l'occasion du centenaire de la Révolution française et de l'Exposition universelle. C'est à ce moment-là aussi qu'on inaugure la Tour Eiffel. Et donc, à ce congrès, va être votée une résolution que j'ai recopiée ici, où il est donc proposé par Jules Guesde et son parti ouvrier, le Parti ouvrier français, donc de créer une journée de manifestation internationale des travailleurs, hein, et donc à date fixe, de manière à ce que, donc c'est intéressant de lire cette citation, dans tous les pays et dans toutes les villes à la fois, le même jour convenu, les travailleurs mettent les pouvoirs publics en demeure de réduire légalement à 8 heures la journée de travail et d'appliquer les autres résolutions du Congrès international de Paris. Je continue. Attendu qu'une semblable manifestation a déjà été décidée pour le 1er mai par l'American Federation of Labor dans son congrès de décembre 1888 tenu à Saint-Louis, cette date est adoptée pour la manifestation internationale. Les travailleurs des diverses nations auront à accomplir cette manifestation dans les conditions qui leur sont imposées par par la situation spéciale de leur pays. Alors, cette résolution, c'est intéressant de s'arrêter un tout petit peu dessus parce qu'elle va être, discutée, critiquée par certains et notamment par les anarchistes. Donc, les anarchistes qui étaient présents à ce congrès de 1889 vont refuser de voter la motion. Alors, pour quelle raison, à votre avis, qu'a fait cette motion? Ben, en fait, il y a trois points principaux qui les gênent. En tout cas, il y a trois points principaux à relever dans cette motion. Ben, tout d'abord, que cette motion incite les travailleurs à revendiquer les 8 heures, mais en les réclamant auprès des pouvoirs publics. Hein, et donc, finalement, se tourner vers une action légale, alors que les anarchistes, en fait, refusent l'action politique, la lutte parlementaire, ne faisant effectivement à l'époque confiance qu'à la lutte économique et à l'action directe. Ils étaient même contre, en fait, une législation du travail, parce que pour eux, rentrer là-dedans, c'était accepter de discuter avec ses exploiteurs, et donc c'était reconnaître le droit à l'exploitation et l'exploitation elle-même à partir du moment où on acceptait de discuter. Et donc, eux, ils préconisent la grève générale, non pas pour obtenir une amélioration sur des conditions de travail et de vie, mais c'était vraiment comme prélude au grand soir qui devait entraîner la suppression de l'État et du salariat. Et donc, voilà. Donc, pour eux, là, c'est peut-être poussé un peu loin, mais il y en a certains qui disaient même que l'amélioration de la condition ouvrière pouvait être susceptible de retarder l'heure du grand soir. Évidemment, ça ne fait pas unanimité au sein des anarchistes, notamment Rudolf Rocker, dont j'ai parlé, qui vient à l'origine d'Allemagne, mais qui va migrer aux États-Unis en 1936, écrira encore que pour lui, donc anarchiste, le 1er mai est un symbole de la libération sociale par la voie de l'action directe qui trouve sa forme la plus achevée dans la grève générale. Et donc, quelque part, il ne se revendique pas de cette motion, mais il revendique quand même cette histoire du 1er mai comme un symbole. Et donc, en fait, très clairement, et je pense qu'il y a une confusion là-dessus, j'ai vu ça plusieurs fois dans mon parcours, mais aussi sur Internet, certains disent qu'en fait, la journée du 1er mai, cette résolution, en fait, a fait écho aux événements de Haymarket. En fait, c'est tout à fait faux. La deuxième internationale réformiste, qui va progressivement tomber dans le chauvinisme, adhérer à la Première Guerre mondiale, appelée à la défense de la France, de la patrie, etc. Enfin bon, tout ça. En réalité, ils ne choisissent pas cette date en référence à Haymarket 1886, mais, comme dit dans la résolution, ils choisissent cette date parce que l'American Federation of Labor a déjà décidé une journée de manifestation le 1er mai 1890, tout en se dissociant des événements de Haymarket. Donc, dans l'idée de l'American Federation of Labor, c'était pas de prévoir cette journée pour le 1er mai 1890, c'était pas du tout une commémoration de ce qui s'est passé en 1886. Donc certains, évidemment, parmi les anarchistes, vont se rattacher à ce 1er mai de 1886, mais dans le chef de la social-démocratie et dans le chef de cette résolution, c'est pas du tout ça. Il y a vraiment une distance par rapport à 1886 et l'action directe, l'action des anarchistes, etc. Et d'ailleurs, la résolution se veut, c'est le troisième point, se veut assez large pour qu'un maximum de gens s'y retrouvent. Donc elle est floue, on ne précise pas les moyens d'action, chacun peut choisir comment il agit. Mais donc pour les anarchistes, le 1er mai, eux, ils ont une interprétation différente et ils se l'approprient en mémoire de ce 1er mai 1886. Et donc je poursuis ma citation de Rocker. Il dit, voilà, « Tous ceux qui souffrent la servitude et que la préoccupation quotidienne de l'existence marque de son empreinte, l'énorme armée de tous ceux qui extirpent les trésors de la terre, travaillent sur les hauts fourneaux ou dirigent la charrue par les champs, tous ces millions d'êtres qui doivent satisfaire le capital dans d'innombrables usines et ateliers par un tribut de sang, les travailleurs manuels et intellectuels de tous les continents, tous seront partie de cette immense et invincible association au sein de laquelle jaillira un futur nouveau. La vente de son travail et de son esprit est la cause occulte de la servitude et de sa dépendance. Le refus d'effectuer ce travail pour les monopolistes doit par conséquent se transformer en un instrument de son émancipation. Et ici, très clairement, on voit que ce n'est pas du tout la célébration du travail qui est à l'origine de cette revendication anarchiste du 1er mai, mais justement le refus du salariat et de l'État. Alors, c'est vrai que le 1er mai, cette date du 1er mai va acquérir un côté quasi mystique qui va être souligné par Paul Lafargue, notamment, avec ce sentiment d'enfin parvenir à réaliser ce mot d'ordre donc de prolétaires de tous les pays, unissez-vous, en dépit des mers, des océans, puisque ça traverse l'Atlantique, de multiples délégations de différents pays vont signer cette résolution. Voilà, pour d'autres, j'ai un peu expliqué comment les anarchistes voyaient ça. Pour certains, c'est la revendication des 8 heures n'est qu'une voie pédagogique. Les 8 heures sont effectivement une petite réforme, mais qui en entraînera d'autres plus importants. Pour d'autres, il s'agit juste d'un drapeau pour mobiliser les masses, etc. Alors, cette résolution va être appliquée. Elle va être appliquée par des pays qui n'ont pas signé, par des travailleurs dans des pays qui n'ont pas signé cette résolution. Et elle va, en revanche, ne pas être appliquée par des pays signataires, donc notamment en Russie, où c'est le tsarisme et les manifestations sont quasi impossibles. Alors, ces premières journées de 1er mai de 1890 vont parfois rencontrer de graves difficultés. En Espagne, la répression va être très forte. Il y aura de nombreux morts et blessés à Barcelone. Il n'y en a pas un sur 100. Et pourtant, ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi. Faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, les anarchistes. Ils ont tout ramassé, des beignes et des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leurs rêves au mi-temps. Et puis l'âme toute rongée par des foutues idées. Et à la pas sur 100, et pourtant ils existent. La plupart fils de rien, ou bien fils de si peu. On ne les voit jamais que lorsqu'on a peur d'eux, les anarchistes. Ils sont morts 110 fois pour que dalle et pourquoi, avec l'amour au poing sur la table ou sur rien, avec l'air entêté qui fait le sang verser. Ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Il y en a pas sur 100 et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier, ça descend dans la rue, les anarchistes. Ils ont un drapeau noir en berne sur l'espoir et la mélancolie, pour traîner dans la vie des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier. Il y en a pas sur 100 et que pourtant ils existent et qu'ils se tiennent bien, bras dessus, bras dessous, joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout, les anarchistes. notamment. Alors, à la suite, donc pour revenir un peu sur les premiers mai qui ont peut-être plus marqué l'histoire, hein, parce que ces journées vont avoir finalement des conséquences importantes dans la tradition ouvrière jusqu'à nos jours, et c'est important, je pense, de se réapproprier un peu cette histoire pour voir comment le 1er mai a évolué au fil du temps. Un 1er mai qui marquera l'histoire, c'est celui qui va se dérouler à Fourmies, dans le nord de la France, donc région industrielle, minière, etc. Et là, la manifestation va tourner au drame. En fait, la police va tirer sur les manifestants. Et ça va se solder par 9 morts, dont 4 femmes et un enfant. Alors, ce drame va permettre de faire enraciner cette tradition du 1er mai dans la lutte des ouvriers européens. Et c'est à partir de ce moment-là que les militants vont épingler, donc, une églantine écarlate, donc qui est une fleur traditionnelle du Nord, en souvenir, donc c'est rouge, hein, en souvenir du sang versé et lors de cette manifestation. Hein. Au départ, les manifestants du 1er mai portaient un triangle rouge, qui aujourd'hui a une autre signification, et en fait les trois côtés du triangle, c'était les 3-8. Voilà, alors donc quelques mois après cette fusillade, écrire une Marseillaise fourmisienne, qui pourrait peut-être inspirer les Gilets jaunes de chanter autre chose que la Marseillaise officielle dans leur cortège. Il fait très clairement référence au 1er mai et appelle à se soulever contre les exploiteurs. Alors, quelques mois plus tard, l'Internationale socialiste, donc, qui se réunit à Bruxelles cette fois, va renouveler donc le caractère revendicatif et international du 1er mai. On peut dire que ces manifestations qui tournent mal vont véritablement pousser à ce que cette journée des travailleurs s'ancre en fait dans des territoires. Parce qu'au départ, cette résolution de la deuxième internationale, elle passe quasi inaperçue parmi la classe ouvrière. Ouais, donc ces drames vont faire qu'elle va vraiment pénétrer dans la culture ouvrière. Alors un autre drame qui va aussi avoir des conséquences importantes, toujours ce 1er mai 1891, qui va donc au départ va être un peu occulté par la fusillade de Fourmies, mais c'est cette fameuse affaire de Clichy. Donc là on est également donc ce 1er mai 1891 et une trentaine de manifestants vont défiler à Paris, vers Clichy, drapeau rouge en tête. Et donc, un peu avant 3 heures, les manifestants commencent à se disperser, replient leur drapeau, mais le commissaire Labussière va donner l'ordre de s'emparer des drapeaux. Alors, à ce moment-là, c'est l'incident. Les coups de feu vont éclater, sont échangés, un agent de police est légèrement blessé, et on arrête 3 anarchistes. Alors, ces anarchistes vont être envoyés au commissariat, ils vont être passés à tabac, il va y avoir un procès qui aura lieu donc le 28 août, et l'avocat général va requérir, donc du nom de Bulot, va requérir la peine de mort contre l'un des prévenus. Finalement, ce n'est pas ça qui va se passer, mais la peine va quand même être sévère. Donc, pour avoir participé à une manifestation à quelques échauffourées, un des manifestants est condamné à 5 ans de prison. Un autre à 3 ans et le troisième est acquitté. Alors l'affaire va être suivie par les anarchistes qui vont considérer ça comme un défi, hein, puisque leurs camarades se sont fait tabasser et en plus ils se ramassent après la répression. Et c'est dans ce cadre que vont avoir lieu les attentats, peut-être certains d'entre vous en ont déjà entendu parler, donc de Ravachol, hein, qui va vouloir venger ses camarades et perpétrer donc 2 attentats contre des magistrats qui avaient été impliqués dans la condamnation des anarchistes. Hein, et donc, c'est contre le substitut Bulot, donc le juge qui avait, l'avocat général qui avait requéri la peine de mort. Donc Ravachol va être arrêté et puis exécuté. Ici, c'est un article du Figaro. Alors, j'aimais bien la petite légende. Hein. Bon, ici, c'est un peu coupé à cause de l'écran, mais nous dit « Le portrait que nous donnons aujourd'hui de Ravachol n'est point tout à fait semblable à celui de l'anarchiste assassin quand bien peigné, pommadé, du rouge aux joues, il se promenait dans Paris cherchant une maison à dynamiter. » Voilà. Alors, un autre 1er mai qui va marquer l'histoire, eh bien, c'est celui qui va faire suite à la catastrophe de Courrières, donc toujours dans le nord de la France, région minière, où une explosion va dévaster 3 fosses, 3 puits, et cette catastrophe va causer la mort de 1099 personnes. Donc c'est vraiment énorme. C'est la plus grande catastrophe, en fait, la plus meurtrière de l'histoire des mines, jusqu'à celle qui a lieu dans une mine en Chine en 1942. Donc plus de 2000 morts. Alors très rapidement, en fait, les travailleurs vont mettre en question la gestion de la mine, hein, de sa sécurité, etc., par les capitalistes, et donc la colère populaire va progressivement s'étendre à tout le bassin minier et au-delà. Là, on voit les familles qui attendent des nouvelles de leurs proches. Je passe à la suivante. Voilà, donc des rassemblements, d'énormes rassemblements qui ont lieu pour protester. Parmi les militants qui interviennent dans ce mouvement et qui vont être très actifs, on retrouve un anarchiste, Benoît Broutchou. Vous avez peut-être entendu parler, il y a une BD sur lui. Voilà, donc il va critiquer en fait l'ancien syndicat et revendiquer un syndicalisme plus combatif, d'action directe, avec notamment cette revendication des 8 heures de travail. Et donc il va créer un comité de grève. Ici on le voit, voilà, il est là devant, à l'avant-plan. Donc la tension monte. Hein, le 20 mars, il y a des manifestations vers la mairie, etc., où sont réunis donc les représentants du vieux syndicat et les grévistes du jeune syndicat. Donc il y a des tensions intersyndicales aussi. Et finalement, donc la tension monte et on se rapproche du 1er mai. We'll be right back. Alors, le 1er mai a lieu, donc, comme chaque année, une manifestation. Mais avec cette catastrophe de Courrières, la manifestation va être particulièrement tendue. On le sent, l'ambiance sociale est tendue. Il y a une manifestation monstre qui est prévue par la CGT à Paris en faveur des 8 heures. Et à ce moment-là, Clémenceau, donc, qui est un socialiste, avertit donc le secrétaire général de la CGT, Victor Griffel, qu'il sera tenu responsable pour tout débordement. Et il envoie, donc comme quoi Macron peut aller se rhabiller, enfin bon, quoi que les armes étaient moins, mais il envoie pas moins de 45 000 soldats à Paris. Bon, les armes étaient moins perfectionnées, hein, ils n'avaient pas des flashballs et lacrymos, etc. Mais donc il y a quand même 45 000 soldats qui sont envoyés à Paris. La tension monte. Avant le 1er mai, comme on sent que la tension va être très forte, les patrons et l'État veulent à tout prix faire cesser les grèves dans le Nord avant le 1er mai. Et donc ils vont commencer à négocier. Certaines entreprises vont céder, négocier quelques hausses de salaire, et effectivement des ouvriers du Nord vont reprendre le travail un peu avant le 1er mai. Mais cependant, la manifestation se déroule, il y a des heurts et il y aura de nombreuses arrestations, donc 800 personnes arrêtées lors de cette manifestation. Alors, je voulais citer ici qui pour moi fait écho, parce que quand même l'idée de parler d'histoire, c'est aussi de faire un peu écho à l'actualité. C'est une citation de Jean Jaurès, donc qui va prendre la défense des grévistes en 1906, tandis que le ministre de l'Intérieur justifie la violence contre les grévistes en disant les grévistes sont violents, il est normal que la police les réprime. Et donc Jean Jaurès disait, et ça me paraît vraiment une belle citation par rapport à la situation actuelle sur la violence des gilets jaunes et versus violence d'État, et il dit: la violence, c'est chose grossière, palpable, saisissable chez les ouvriers. Un geste de menace, il est vu, il est retenu. Une démarche d'intimidation est saisie, constatée, traînée devant les juges. Le propre de l'action ouvrière dans ce conflit, lorsqu'elle s'exagère, lorsqu'elle s'exaspère, c'est de procéder en effet par la brutalité visible et saisissable des actes, donc les actes de la classe ouvrière. Ah, le patronat n'a pas besoin, lui, pour exercer une action violente, de gestes désordonnés et de paroles tumultueuses. Quelques hommes se rassemblent, à huis clos, dans la sécurité, dans l'intimité d'un conseil d'administration, et à quelques-uns, sans violence, sans gestes désordonnés, sans éclat de voix, comme des diplomates causant autour d'un tapis vert, ils décident que le salaire raisonnable sera refusé aux ouvriers. Ils décident que les ouvriers qui continueront la lutte seront exclus, seront chassés, seront désignés par des marques imperceptibles, mais connues des autres patrons, à l'universelle vindicte patronale. Cela ne fait pas de bruit. C'est le travail meurtrier de la machine qui, dans son engrenage, dans ses laminoirs, dans ses courroies, a pris l'homme palpitant et criant. La machine ne grince même pas, et c'est en silence qu'elle le broie. Je trouvais que la citation était assez belle par rapport à l'actualité. Voilà. Où est-ce que j'en étais? Ah oui, donc par rapport à cette catastrophe de Courrières, je vais terminer avec ça sur cet événement-là. Là, évidemment, ils sont accusés d'être des émeutiers, ils vont les arrêter même dans leur lit, etc. Par rapport à cette catastrophe de Courrières, comment ça s'est finalement soldé? Eh bien, les seules améliorations qui vont être apportées par rapport à la sécurité dans les mines, c'est la création d'un poste de secours à Liévin et le remplacement des lampes à feu nu par des lampes dites de sûreté. Et en mai 1907, le tribunal d'Arras a rendu une ordonnance de non-lieu qui va être confirmée par la cour d'appel de Douai. La compagnie des mines de Courrières est sortie totalement blanchie de cet accident qui a causé, rappelons-le, près de 1100 morts. Et donc, finalement, les familles vont être indemnisées. Donc, ils vont recevoir des versements, un versement. Mais, évidemment, il ne fallait pas que cet argent puisse soutenir la grève, puisse soutenir l'action collective. Et ultime provocation, en fait, les sommes versées vont être très modestes. Et en fait, elles vont être versées sur des comptes d'épargne et les familles ne pourront retirer que 100 francs par mois, considérant en fait que les pauvres n'étaient pas capables de gérer leur budget. Donc voilà, donc ça c'est pour l'ironie des patrons. Et en plus, comme c'est sur un compte d'épargne, ben, cela permet de réinjecter l'argent dans le système bancaire au plus grand bénéfice des entreprises, etc. Alors... Encore, 1er mai aussi qui vont se dérouler au moment de la guerre, dans les tranchées, au moment de la fin de la guerre, lorsque la révolution russe éclate en février, renverse le tsarisme. Des troupes russes qui faisaient donc partie des alliés sont cantonnées en France. Et là, on est dans une situation quasiment de double pouvoir, avec des généraux qui dataient de l'Empire tsarisme et puis des troupes qui voulaient se rallier à la Révolution russe, créer des conseils de soldats, etc. Et donc, il va y avoir, au 1er mai 1917, des événements importants dans l'armée, des mutineries. Il va y avoir des mutineries dans les Vosges et puis il va aussi en avoir dans la région de la Creuse, donc le camp de la Courtine, qui avait servi auparavant de camp de prisonniers. Les officiels, les gradés vont être contestés à ce moment-là. Alors, maintenant peut-être s'interroger, et on arrivera donc sur les évolutions du 1er mai qui, comme on le voit, a quand même réellement un ancrage ouvrier, une pratique ouvrière, mais qui progressivement va être récupéré, réinterprété de différentes manières. Alors pour certains, le 1er mai, c'est avant tout une fête. C'est le sens notamment préconisé par le SPD, donc le parti de la social-démocratie allemande, depuis 1890. Donc ce sont des journées festives plus que des journées de lutte. C'est la même chose en Belgique. En gros, le parti ouvrier belge présente ces journées comme des journées festives. Et malgré cela, il va y avoir, ça vous le savez peut-être, des grèves générales qui vont être organisées, et notamment le 1er mai. Mais en réalité, ce sont les mineurs qui vont déclencher ces grèves contre l'avis du parti ouvrier belge, donc en 1891. Et là, la revendication ne va pas tant être les 8 heures que la revendication du suffrage universel, parce qu'on était dans un système censitaire où seuls les plus riches pouvaient voter. Donc il y a une revendication de suffrage universel qui supplante celle à ce moment-là de la journée des 8 heures. Alors en France, c'est aussi le parti social-démocrate guédiste qui va appeler donc le 1er mai fête du travail, donc non pas fête des travailleurs, fête du travail, manifestation internationale du 1er mai. Et donc là, c'est là que les anarchistes vont également refuser. Sébastien Faure va déclarer fêter le travail esclave, est-ce assez odieux? En même temps, c'est, même en tant que fête, c'est quand même considéré comme un contrepoint aux fêtes dominantes, aux fêtes religieuses. Donc il y a un aspect culturel. Ça va devenir aussi une date fétiche pour la fondation de partis. Donc par exemple, le premier congrès du parti socialiste brésilien se tiendra le 1er mai 1912, parti du peuple au Liban le 1er mai 1925. On réédite symboliquement le manifeste du Parti communiste le 1er mai 1890, etc., etc. Petit à petit, les revendications autour du 1er mai vont se diversifier. J'ai déjà parlé de suffrage universel. Elle va aussi devenir une manifestation contre le militarisme, contre le nationalisme. Par après aussi, pour d'autres revendications. Ici, vous le voyez, contrat collectif, les grands travaux, les 40 heures. Là, c'est plutôt l'aspect fête, festif. Ici, contre le... pour le désarmement, pour le bien-être, pour la paix en Algérie. Et voilà, donc il va y avoir des dissensions, mais ça, je n'ai peut-être pas rentré dans le détail. Les dissensions vont se poursuivre par rapport au caractère à donner aux manifestations des 1er mai. En Belgique également, hein, à l'intérieur des syndicats, pour ceux qui avaient suivi la conférence sur le syndicalisme révolutionnaire, j'ai expliqué que les syndicalistes révolutionnaires étaient actifs au sein des syndicats socialistes dominants, et donc ils vont critiquer la ligne de conduite, et notamment en matière de 1er mai, où Achille Delattre, donc grand dirigeant du syndicat socialiste social-démocrate, va dire qu'il ne faut pas renverser l'ordre existant, cela ne mènerait qu'à une période réactionnaire, etc., tandis que les militants radicaux, eux, vont réclamer l'organisation donc d'une grève à caractère révolutionnaire, etc. On est dans une période, les années 1920-21, une période d'agitation assez intense. Alors, dès le 23 avril 1919, le Sénat français va ratifier, sous la pression du contexte social bouillonnant de l'époque, va ratifier la journée de 8 heures et va faire du 1er mai suivant, à titre exceptionnel, une journée chômée. Mais bon, donc ce n'est qu'une fois. Alors en 1920, la Russie bolchevique va décider que le 1er mai sera désormais chômé et deviendra fête légale des travailleurs. L'Allemagne nazie, elle va encore aller plus loin dans les années 30, puisque Hitler est le premier, pour se rallier le monde ouvrier, à faire, à partir de 1933, du 1er mai, une journée chômée et payée. Donc il va être imité par le chancelier Dollfuss en Italie, en Autriche, qui va proclamer l'état corporatif. En Italie, la fête va être supprimée, elle, par contre, au cours de la période fasciste, où Mussolini a préféré célébrer donc la fête du travail italien le 21 avril, qui est la date présumée de la fondation de Rome, mais donc ce 1er mai va être restauré peu après la fin de la guerre, donc en 1945. Alors en France, il y a les manifestations du 1er mai 1936 qui sont importantes, parce que c'était le moment du deuxième tour de l'élection du Front populaire, avec Léon Blum, la victoire de Léon Blum. Donc ça, c'est un 1er mai qui a marqué les esprits. Mais en France, c'est en fait pendant l'occupation allemande, donc en avril 41, le 24 avril 41, que le 1er mai va être officiellement désigné comme fête du travail et de la concorde sociale. Donc fête du travail et de la concorde sociale, et devient donc un jour chômé. L'idée était évidemment de rallier les travailleurs au régime de Vichy. Ici vous voyez donc le maréchal Pétain: je tiens les promesses, même celles des autres. Le Parti populaire français, donc, était un des principaux partis en soutien à la collaboration, fête également le 1er mai. Et alors, vous voyez un détail ici sur cette photo. Je ne sais pas si vous remarquez quelque chose qui apparaît à l'époque, les affiches du 1er mai. Le Muguet, effectivement, merci. Le Muguet, à côté, quand même, on dirait de l'églantine. Voilà, alors ici encore, la charte du travail unit l'ouvrier, le technicien, le patron, humaine et fraternelle. Et effectivement, en fait, cette association du Muguet au 1er mai, jour de travail, elle date du régime de Vichy. Le Muguet est officiellement associé à cette fête du travail et de la concorde sociale. Il préfère effectivement la fleur blanche à l'églantine rouge, cette dernière étant trop associée à la gauche et au communisme à son goût. Alors, ce qui est étonnant, c'est qui montre un peu la méconnaissance de l'histoire, c'est qu'ici, on voit sur des affiches de la CGT, qui n'ont pourtant rien à voir avec Pétain, reprendre cette imagerie du 1er mai qui a été instaurée, du Muguet, qui a été instaurée par Pétain. Donc là, peut-être, ça serait quelque chose à corriger. Donc ici aussi, un cortège syndical avec du Muguet un peu partout. Peut-être ça vous fera changer d'avis cette année-ci. Voilà. Après, cette histoire du Muguet, ça remonte aussi à une vieille tradition populaire. Mais l'association au 1er mai, elle a vraiment été faite par par Pétain. Alors, réappropriation multiple de cette fête, hein, donc par les régimes nazis, par le régime de Vichy. Alors, depuis 1955, le Vatican, le Vatican, via le pape Pie XII, qui est loin d'être progressiste, il va instaurer la fête liturgique de Saint-Joseph artisan, le 1er mai. Donc, ça va être la fête des travailleurs, et elle est fêtée chaque année depuis. Voilà ici encore une illustration donc de ces conflits autour du sens à donner au 1er mai. Donc ici, le 1er mai 1947, vraiment c'est juste un truc totalement festif, sans plus aucune revendication. Voilà ici un tract intéressant du 1er mai. Malheureusement, j'ai pas eu assez de temps, je l'ai trouvé quasiment juste avant d'identifier la date. Mais voilà, donc ici, un tract en faveur de la manifestation ouvrière internationale du 1er mai qui revendique donc le 1er mai doit donc être révolutionnaire et non ressembler à une procession du Saint-Sacrement suivie de balles. Il y a trop longtemps, nom de Dieu, que nous dansons devant le buffet vide, nous voulons manger. Nous voulons le droit de vie pour tous et nous ne l'obtiendrons que par la révolution sociale. Le 1er mai à midi, place de la République, à Levallois-Perret, une manifestation aura lieu. Que toutes les victimes du capital autorité y soient, en avant pour la sociale et vive la liberté, signé des miséreux révoltés. Alors, c'est peut-être... Excusez-moi, je suis vraiment désolée de ne pas avoir eu l'occasion de l'identifier, mais je me dis, c'est peut-être le tract, mais ça me paraît quand même un graphisme plus qui... datant plus des années 20-30, mais peut-être que c'est celui qui appelle à la manifestation de Paris dont on a parlé en 1906, c'est possible. Mais cela dit, voilà, je ne suis pas sûre. Alors, il faut attendre mai 68 pour que la CGT organise une grande manifestation dans les rues de Paris, de nouveau plus revendicative, etc. Voilà ici encore pioché ci et là des articles de journaux qui montrent la récupération en fait générale du 1er mai de nos jours. En 2000, le pape et le mouvement anti-mondialisation sont les vedettes inattendues du 1er mai. Rassemblement autour du pape. Hein, et puis après, les manifestations qui sont souvent suivies d'affrontements par les anti-mondialisation. Le 1er mai libéral aussi, hein, parce qu'aujourd'hui, les libéraux fêtent aussi le 1er mai depuis 30 ans en 2012, donc ça date des années 80, mais avec chaque année de plus en plus de vigueur et d'enthousiasme. En gros, aujourd'hui, on a une droite qui fête le 1er mai, mais qui l'a fait très clairement dans le sens de fête du travail. Eux, ils défendent le travail, un peu à la Sarkozy, hein, la droite, le travail, contre la gauche qui va défendre les assistés, etc. quoi. Le Pen aussi qui s'y met, hein, à appeler à des manifestations. Du 1er mai, Jean-Marie Le Pen et puis Marine. Donc ça, c'était, il n'y a même pas l'année, mais c'était assez récent. Voilà. Donc pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous conseille deux ouvrages. Un ouvrage de André Rossel, 1er mai, non entend de lutte populaire dans le monde, donc qui date des années 1980. Et puis La part du rêve, donc une histoire du 1er mai en France par Daniel Tartakovsky. Bon, bonsoir, vous êtes à l'écoute de... De Transjonal. De Transjonal.